Bergère, ma bergère, voudrais-tu bien m'aimer? Bergère, ma bergère, voudrais-tu bien m'aimer? Nous jouerions ensemble le joli petit jeu bergère. Ah, bergère, si tu veux que nos deux cœurs seront heureux tous deux. Je ne joue avec personne sinon qu'avec mon chien. Je ne joue avec personne sinon qu'avec mon chien. Mon chien est à ma garde, il a mille entretiens aimables. Ah, bergère, je vois bien qu'il est tout pour toi, moi je ne suis rien. Votre chien vous apporte votre petit fuseau. Votre chien vous apporte votre petit fuseau. Et moi, je vous apporte ce que j'ai de plus beau, bergère. Ah, bergère, si tu veux que nos deux cœurs seront heureux tous deux.